إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdulillah, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui alhamdulillah avec vous pour ce séminaire de Saint-Étienne, et on va commencer donc avec ce sujet qu'on a choisi, al-mawqif as-sahih min ahl al-bid'a. Al-mawqif as-sahih min ahl al-bid'a, c'est-à-dire la position correcte envers les gens d'innovation, envers les gens de bid'a. D'accord? Et c'est une risala du Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah. Et c'est en réponse à une question qui lui a été posée de la part de certains parmi les Tulab al-Ilm et parmi les frères qui avaient des questions à ce sujet-là. Ils lui ont demandé une question et le Cheikh a répondu par cette nasiha et par cette muhadara, cette conférence qui est vraiment bénéfique. Et quand j'ai lu cette risala, j'ai dit que ce serait très intéressant de la lire avec les frères et puis d'essayer de la comprendre. Parce qu'il y a des points très bénéfiques dedans. Et c'est un rappel pour chacun d'entre nous, hein, et en particulier pour nous qui essayons de suivre cette voie, la voie des salafs salih, la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est un rappel pour nous parce que peu importe, hein, si on se dit salafi et on essaie de suivre la voie des salafs salih, mais yani, on n'est pas yani, infaillible. On n'est pas préservé de l'égarement. Il n'y a personne d'entre nous qui peut prétendre que si aujourd'hui il est salafi, ça veut dire qu'il va rester salafi jusqu'à sa mort. Donc il faut faire attention aux choses qui peuvent nous faire dévier, aux choses qui peuvent nous faire sortir de cette voie. Et je pense que cette nasiha, ou ce rappel que le Cheikh Rabi' a fait, c'est quelque chose qui va nous aider justement, Inch'Allah, à nous accrocher sur cette voie et à rester salafi, Inch'Allah, jusqu'à la mort. Hein, à rester un musulman qui suit l'islam selon le Coran, selon la Sunna, à la compréhension ou avec à la lumière de la compréhension des salafs salih, des pieux prédécesseurs. Et les pieux prédécesseurs, comme vous le savez probablement tous, ce sont les Sahaba, les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis les Tabi'in, c'est-à-dire ceux qui ont étudié avec les Sahaba, puis les tabi'in, ceux qui ont étudié avec les sahaba, les élèves des sahaba, et ceux qui les ont suivis jusqu'à la fin des temps, ceux qui sont sur la même voie, la même aqida, la même compréhension, la même pratique jusqu'à la fin des temps. Donc yani, c'est ça d'être sur la voie des salaf. D'accord, ça c'est si tu veux l'explication générale, mais si tu veux raccourcir ça, tu dis salafi. Au lieu de dire la phrase au complet, dit salafi, ça résume ce principe. Donc on va commencer, Inch'Allah, par lire la question qui a été posée au Cheikh. Fadilatu Cheikh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikhuna hafidhakumullah, la yakhfakum ma lil jalisi min atharin ala jalisihi, sawa'an kana khayran aw sharran. ولقد وقع بعض إخواننا السلفيين في هذه الأيام في مخالطة بعض المخالفين للمنهج السلفي على سبيل الصحبة وتوافق الطبع، فتجد أن هذا الأخ أقل ما يصاب به هو التبلد تجاه الأفكار المخالفة للعقيدة السلفية، ويشمئز من ذكر القضايا المنهجية. ونريد منكم حفظكم الله تعالى ذكر كلمة تربوية سلفية تبين خطورة مخالطة هؤلاء، وذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية في تبيين خطورة ذلك، وذكر الأمثلة من التاريخ تبين تحول بعض أهل السنة إلى البدعة بسبب ممشاة أهل البدع أو مماشاة أهل البدع. بارك الله في عمركم وعلمكم وجزاكم الله خيرا. Donc ça c'est la question qui a été posée au Cheikh. Et يعني premièrement il dit فضيلة الشيخ العلامة الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ensuite, notre cheikh, nous aimerions, il dit comme vous savez, hein, ça ne vous échappe pas le fait que quelqu'un qui s'assoit avec une personne, eh bien, c'est normal qu'il va avoir un effet sur lui, il va avoir un impact. Hein. Lorsqu'on s'assoit avec quelqu'un, lorsqu'on prend quelqu'un comme compagnon, c'est normal que cette personne-là va avoir une influence sur nous, va avoir un impact. Donc, peu importe que cet impact-là soit bon ou mauvais, il va y avoir un impact, il va y avoir un effet. Il va y avoir une influence. Et il dit que certains de nos frères salafis, de ces jours-ci, hein, à force d'avoir côtoyé des gens qui ont des idées, des pensées qui sont en contradiction avec le manhaj salafi, hein, ils prennent des compagnons ou des amis parce qu'ils ont des tempéraments qui coïncident, hein, ils retrouvent avec certaines personnes parmi eux des choses qu'ils ont en commun, ils sont des amis ou des choses comme ça, donc ils s'assoient avec eux malgré qu'ils ont des contradictions dans leur manhaj ou des contradictions avec la voie des salaf al-salih. Donc on voit que ce frère-là, à force de rester avec ce genre de personnes, le minimum qu'on peut retrouver en lui comme effet ou comme influence du fait qu'il côtoie et qu'il fréquente ce genre d'individus, c'est que yani, il commence à être plus, disons, accepte un peu, ou il devient doux envers ces idées-là, envers les idées qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna, et il se sent mal en lui-même de mentionner les questions du manhaj, hein, du manhaj qui clarifie les erreurs de ces positions-là que cet individu-là possède. C'est-à-dire que lorsque tu te tiens avec ce genre d'individu, tu vas être gêné de mentionner certaines questions du manhaj qui ont rapport avec ces différents points-là. Et ça, on le remarque dans l'attitude de beaucoup d'entre les salafis parfois. Hein, du fait que, par exemple, ils vont dire, bon, si je vais marcher avec ce frère, ou si je vais être avec cet individu-là, ou bien si c'est une sœur, qui va marcher avec une autre sœur, puis elle sait qu'elle a des choses qui sont en contradiction avec la voie des salafs, bon, elle va dire, bon, je ne vais pas lui parler de manhaj, je ne vais pas lui parler d'aqida, je ne vais pas parler des erreurs qui existent dans sa pensée, et des choses de ce genre. Et il y en a parfois, hein, que le shaitan, il réussit à les tromper, ou à ruser avec eux, en leur faisant penser que le fait de ne pas mentionner les questions de manhaj, et le fait de ne pas parler d'aqida, ça va faire en sorte que la personne va se rapprocher. Hein, puis ils pensent qu'ils vont être capables par la suite de les ramener vers le droit chemin. Puis malheureusement, comme la personne qui pose la question le mentionne, souvent c'est que c'est le contraire qui se passe. Hein, petit à petit, la personne, sans même s'en apercevoir, à force de toujours essayer de cacher ou d'éviter de mentionner ces questions-là, eh bien, c'est elle qui commence à changer. C'est elle qui commence à adopter un comportement ou une attitude qui contredit la position des salafs salih par la suite. Et donc, la personne qui a posé la question, elle dit, nous voudrions de vous, de votre part, que Allah vous préserve, une parole éducative, salafia, hein, qui nous exprime, yani, qui nous explique la position des salafs, pour clarifier le danger de fréquenter ce genre d'individus et de mentionner les versets du Coran, de mentionner les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les narrations des salafs qui clarifient le danger de côtoyer, de fréquenter ce genre d'individus-là, hein, que ce soit yani, des gens qui ont des idées de takfir ou des gens qui ont des idées de soufia ou des gens qui ont des idées des sectes comme les Ikhwan ou Tablir ou d'autres jama'at ou groupes contemporains, ou que ce soit des gens qui ont des idées modernistes comme des idées qui penchent vers les tendances des Mu'tazila, hein, et des Asha'ira et des groupes de ces tendances-là. Donc, hein, on veut des exemples, on veut que vous nous donniez des exemples de l'histoire de certains parmi les gens de Ahl Sunnah qui ont dévié, hein, qui sont devenus des gens de bid'ah, hein, à cause du fait qu'ils ont côtoyé des gens de bid'ah, ou bien qu'ils ont ouvert, hein, leur amitié et ils ont commencé à côtoyer et à fréquenter ces gens-là, qu'est-ce qui leur est arrivé comme conséquence par la suite. Donc, il dit, le frère, il fait un doua par la suite, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans votre vie et dans votre science et qu'il vous récompense en mieux, hein, de la meilleure façon. Donc le Cheikh Rabi', hafizahullah, il a répondu en disant, premièrement il a mentionné khutbatul hajah, il dit inna alhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإجابة على هذا السؤال أقول إن هذه المسألة مهمة جدا وشأنها خطير ولهذا اهتم بها الكتاب والسنة والسلف الصالح في دواوين الإسلام وخاصة ما يتعلق بالعقائد وبالذات ما يتعلق بالمواقف من أهل البدع والضلال وأهل الفتن والانحراف وجلساء السوء بالذات ففيما بينوه الشفاء والكفاية لمن أراد لنفسه الخير وأراد لنفسه أن يحيا حياة ترضي ربه وتقربه إليه وتبعده عن النار. Donc après avoir mentionné خطبة الحاجة لشيخ ربيع المدخلي حفظه الله il dit: donc, en réponse à ce que vous m'avez donné comme question, je dirais que cette question ou ce sujet est un sujet très important et très dangereux. Hein. Et c'est pour cette raison-là que le Coran et la Sunna ont donné à ce sujet-là une grande importance. Et également, ce qu'on retrouve comme parole dans les livres des salafs salih, dans les livres de l'islam, en particulier ce qui a un lien avec les croyances de l'islam, et en particulier également qu'est-ce qui a rapport avec les positions qu'on doit adopter envers les gens de bid'ah et les gens d'égarement, et les gens qui appellent à la fitna, les gens des fitan, et les gens de la déviation. Et toute personne avec qui on pourrait s'asseoir et qu'on pourrait prendre comme compagnon et qui nous appelle au mal ou à qu'est-ce qui est mauvais. Donc, dans les clarifications et les explications qu'ils nous ont données, il y a tout ce qui est nécessaire pour nous et c'est suffisant comme clarification. Qu'est-ce qu'on retrouve dans leurs paroles et qu'est-ce qu'on retrouve comme, comme explication dans les textes. Pour celui qui veut pour lui-même le bien, hein, et celui qui veut vivre une vie, hein, qui veut vivre une vie qui est remplie d'agrément pour son Seigneur et qui le rapproche vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui l'éloigne de l'enfer. Donc celui qui veut ça, celui qui veut vivre une vie hein, dans laquelle il y a de l'agrément pour Allah subhanahu wa ta'ala, envers Allah, et une vie qui, dans laquelle cette personne-là va plaire à Allah, et il veut se rapprocher d'Allah et se protéger de l'enfer, il doit suivre les exemples qui sont mentionnés dans l'exemple des salaf al-salih à ce sujet. وَلَقَدْ اِهْتَمَّ بِهَذَا الْمَوْضُوعِ سَلَفُنَا الصَّالِحِ رِضْوَانَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عِلْمًا وَعَمَلًا وَتَطْبِيقًا رِضْوَانَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَمَا عَلَيْنَا إِن كُنَّا نُرِيدُ النَّجَاةِ إلا أن نتبع سبيل هؤلاء المؤمنين الصادقين المخلصين الذين عرفوا الشريعة الإسلامية وعقائدها ومناهجها ومقاصدها ومراميها فقدموا النصح والبيان والتحذير لمن أراد الله به خيرا من هذه الأمة وأراد له النجاة وركوب سفينة النجاة فعلا لشيخ الزي que ce, les salaf al-salih se sont occupés, préoccupés grandement de cette question dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire la position correcte envers les jeunes bid'a, yani sur le plan de la science, sur le plan de l'application et de la pratique, que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait d'eux. Et donc, si on veut être sur la voie du salut, on n'a qu'à suivre leur voie. On n'a qu'à suivre la voie de ces pieux, croyants, sincères, qui ont connu la charia de l'islam et les croyances de l'islam et la voie et les objectifs hein, de la charia de l'islam et ils ont donné le bon conseil à la Ummah et ils ont clarifié et averti et mis en garde hein, tous ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala voulait du bien parmi les gens de cette Ummah et tous ceux pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a voulu le salut pour qu'ils montent dans le bateau du salut. Donc ça c'est une chose très importante. Pourquoi le chef mentionne cet exemple-là? C'est parce que justement, la aqida de l'islam c'est la chose la plus importante. Tout le reste de qu'est-ce qu'on peut pratiquer dans la religion de l'islam, que ce soit la prière, le jeûne, le hajj, la zakat, les autres aspects de la religion, le halal, le haram, l'akhlaq, le bon comportement, tous ces autres aspects-là n'ont aucune valeur si elles ne sont pas établies sur une aqida qui est correcte. Et donc, c'est pour cette raison-là que les salaf, ridwanallahi alayhim, ont mis toute l'importance sur le fait de protéger leur aqida contre toute forme de déviation et d'égarement. Et qu'ils ont donné le bon conseil, al-nusr, al-nasiha, et également, ils ont mis en garde. Et la mise en garde, c'est une forme de nasiha. La mise en garde, c'est une forme de nasiha. Et ça fait également partie du fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Donc tout ça, c'est relié ensemble. Et l'islam, c'est basé là-dessus. L'islam, c'est basé sur le bon conseil. Dans le sens que tu veux pas juste le bien pour toi-même, mais tu veux le bien pour toi-même et tu veux le bien pour tous ceux qui sont autour de toi. C'est pas juste de dire « lakum din ou kum waliyadin » comme certains parmi les gens aujourd'hui s'imaginent, alors qu'ils ne comprennent pas réellement le sens de ce verset-là. « À vous votre religion et à moi la mienne. » Et si on regarde le contexte de ce verset-là et qu'est-ce qu'il signifie dans son contexte, on voit que c'est dans le sens de « al-bara'a ». On dit ça au Kuffar et au Mushrikine, une fois qu'ils ont refusé d'accepter la vérité, après qu'on leur a montré les preuves, si vous ne voulez pas accepter. Mais avant ça, il y a le fait d'inviter les hommes au bien, de les inviter à accepter l'islam, accepter le tawhid, à rejeter le shirk. Et une fois qu'ils ont accepté l'islam et le tawhid, eh bien de les inviter à suivre la sunnah. Et à s'éloigner des innovations et des bid'a. Donc, tout ça, ça fait partie de la nasiha. de vouloir le bien pour les autres et non pas de se limiter à nous-mêmes, hein, et d'avertir les gens contre ce qui est mauvais. Et d'être sincère envers les gens, d'être sincère envers Allah, envers soi-même, envers les gens, vous connaissez le hadith, al-din al-nasiha, c'est ça la religion, al-nasiha. Le shaykh il dit, في القرآن الكريم تقرؤون قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فبين الله في هذه الآية واقع وحال أهل الزيغ والأهواء وأنهم يتقصدون الشر للأمة ويتقصدون لهم الفتن لأن نواياهم ليست سليمة ليست بسليمة وقلوبهم مريضة ويريدون أن يصاب الناس بأدوائهم لأنه كما يقال في المثل كلما عمت هانت وفي المثل العام قطع ذنب الثعلب فقطع أذناب الآخرين. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans sourate Ali Imran verset 7, c'est lui, c'est-à-dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait descendre sur toi le livre. Parmi les versets de ce livre, il y en a qui sont muhkamat, c'est-à-dire il y en a des versets qui sont clairs et explicites et ils sont la base du livre, et il y a d'autres versets qui sont mutashabihat, c'est-à-dire qui peuvent prêter à plusieurs interprétations, qui peuvent avoir plusieurs sens différents. Donc ceux qui ont une maladie de déviation dans le cœur, eh bien ils font exprès pour aller vers ces versets-là qui peuvent prêter à plusieurs diverses interprétations. Ils courent vers ces versets-là et ils se basent sur ces versets-là dans le but de faire la fitna, hein, de faire des troubles, de faire des problèmes, de faire du désordre, hein, et pour essayer de les interpréter. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Et personne ne connaît son interprétation excepté Allah, et les gens qui sont fermement ancrés dans la science disent, nous y croyons, il vient, tout ça vient de notre Seigneur. D'accord, donc ça c'est ce verset-là, c'est un verset, hein, comme le cheikh nous dit, qui, dans lequel Allah nous clarifie l'état et la situation des gens de la déviation et des gens des passions. Les gens de Bid'ah, on les appelle des gens de la passion. Les gens de Bid'ah, on les appelle des gens de la passion. Une chose qui est importante justement par rapport à ça, parce qu'on parle des gens de bid'ah, mais il faut comprendre aussi qu'est-ce que c'est la bid'ah. Hein? La bid'ah, c'est toute pratique, toute croyance, toute action, hein, que quelqu'un fait et qui prétend que ça fait partie de l'islam. Hein? Il prétend que c'est religieux, que c'est islamique, mais il n'y a aucune preuve à son sujet, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, hein, et ni dans l'exemple des pratiques des Sahaba. Donc on ne retrouve pas ces pratiques-là, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans les exemples des Sahaba. Donc, ces pratiques-là sont des innovations. Et toute innovation, bien entendu, c'est haram de les pratiquer. Hein? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ce sujet-là, « Man ahdata fi amrina hadha ma laysa minhu, fahuwa rad. » Quiconque invente quelque chose dans notre religion qui n'en fait pas partie, cette chose sera rejetée. Et il dit également, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Et quiconque pratique quelque chose qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. C'est-à-dire, elle ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, l'action dans l'islam, elle doit respecter deux conditions. La première condition, c'est qu'elle soit faite avec ikhlas, avec sincérité, avec pureté dans l'intention. Et deuxièmement, qu'elle soit en accord avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si l'action ne respecte pas ces deux conditions-là ensemble, l'action ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si l'action est faite avec sincérité, mais qu'elle n'a pas, elle n'est pas en accord avec la sunna, elle sera rejetée. si c'est une bid'a, ça compte pas, ça sera pas accepté. Et il y a d'autres hadiths également qui avertissent contre les innovations, comme le hadith de Irbad ibn Sariya, comme qu'on récite dans Khutbatul Haja, dans chaque début de conférence ou dans chaque khutba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répétait toujours ça. Wa iyyakum wa muhdathatil umur. Et prenez garde aux choses inventées dans la religion. Fa inna kulla muhdathatin bid'a. Parce que toute chose inventée est une innovation. Wa kulla bid'atin dalala. Toute innovation est un égarement. Wa kulla dalalatin finnar. Et tout égarement mène au feu de l'enfer. Donc, il a bien spécifié que les pires choses sont les innovations. Donc ça nous montre le danger de l'innovation, et ça nous explique le danger de l'innovation. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au début à Mecca, il y avait les musulmans et les mushrikins, et les kuffars, les juifs et les chrétiens. Et après il y a eu la hijra, les musulmans ont émigré vers Al-Madina. Et là, il y a une nouvelle catégorie qui est apparue, qui n'existait pas à Mecca. Et cette catégorie-là, c'était les munafiqoun, les hypocrites. Ceux qui montrent l'islam en apparence, mais qui cachent la mécréance dans leur cœur. Ils ne croient pas en l'islam. D'accord? Et à cette époque-là, la bid'a n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti qu'après lui, il y allait avoir une autre catégorie qui allait apparaître, c'est-à-dire les gens qui font des bid'a, les gens qui font des innovations. Hein? Et c'est pour cette raison-là que beaucoup de ulama, quand ils parlent des mubtadi'a, ils appliquent sur eux les versets qui traitent des munafiqin. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de ressemblances et de liens entre l'attitude des munafiqin envers les vis-à-vis des musulmans et l'attitude des mubtadi'a vis-à-vis les musulmans qui suivent la sunna. Et c'est pour ça que souvent ils se réfèrent à ces versets-là pour expliquer le comportement qu'on adopte envers eux. Hein, ça c'est juste un exemple pour faire comprendre, pour clarifier le sujet dont on va parler aujourd'hui et dans les conférences suivantes, inshallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il explique dans ce verset, le verset 7 dans Sourate Al-Imran, la réalité et l'état et la situation des gens de déviation et de passion, les gens de l'innovation et de passion. Pourquoi on appelle les gens de bid'a des gens de la passion? Parce que ils se basent sur la passion pour suivre leur innovation, puisqu'ils n'ont pas de preuves, ils n'ont pas de preuves des textes, donc ils sont obligés de se baser sur, de suivre leur passion. Et dans ce verset-là, il y a également la preuve que ces gens-là ont une mauvaise intention. Ils veulent le mal pour les musulmans. Ils veulent le mal pour la umma. يَتَقَسَّدُونَ الشَّرْ لِلْأُمَّةِ. Et justement dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ, c'est-à-dire ils veulent la fitna pour les musulmans. C'est pour ça qu'ils courent vers les versets qui sont ambigus, qui peuvent prêter à plusieurs interprétations, hein, qui peuvent être compris de différentes manières, au lieu de prendre les versets qui sont clairs, hein, ils se basent là-dessus. Donc, ils veulent la fitna pour les musulmans, et ils n'ont pas de bonnes intentions pour les musulmans, même si, avec leur langue, ils prétendent qu'ils ont des bonnes intentions. Ils disent, nous, on a les bonnes intentions, on veut le bien. La réalité, c'est le contraire. Leurs cœurs sont malades. Et ils veulent que tous les gens autour d'eux soient atteints de la même maladie qu'eux. Ils ne sont pas satisfaits que ce soit eux seulement qui soient malades. Ils veulent rendre malade tout le monde avec eux. Et c'est comme dans le proverbe que les gens disent, comme le dicton. Hein, il y a des gens qui répètent souvent ça. كلما عمت هانت, c'est-à-dire quand il y a un mal, plus il est généralisé, plus il est répandu, plus il est plus facile à accepter, dans le sens que si y a une personne, si par exemple moi je suis malade aujourd'hui ou quelqu'un est malade, c'est sûr que c'est plus dur, mais s'il voit plein d'autres personnes malades avec lui, eh bien il se sent moins malade puisqu'il voit tout le monde est malade avec lui aussi. Donc les gens de Bid'a, c'est comme ça. Ils sont dans l'égarement et ils veulent voir tout le monde malade avec eux. Ou bien comme dans l'exemple aussi que certains donnent, si on a coupé la queue du renard et donc le renard a coupé la queue des autres pour que, et allez, ils disent, bon, moi j'ai plus de queue, alors je vais couper la queue de tous les autres aussi. Comme ça on va tous être pareils. Donc c'est dans ce sens-là. Et les kuffars sont pareils envers les musulmans aussi. Quand ils voient des musulmans qui essaient de suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui essaient de pratiquer l'islam, ça les dérange. Pourquoi ça les dérange? Parce que eux ils sont dans le kuffre et ils veulent voir tout le monde comme eux, dans le kuffre. Hein? وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَا. Ils souhaiteraient que vous ayez mécru comme ils ont mécru eux-mêmes, pour que vous soyez égaux par la suite. Donc c'est ça ce qui se passe. Alors, des fois on s'étonne, on dit, mais pourquoi ils ne nous laissent pas en paix? Pourquoi ils ne nous laissent pas pratiquer notre religion? La raison c'est parce qu'ils ne sont pas satisfaits de voir qu'il y a des gens qui croient en quelque chose et qui s'y accrochent, hein, qui sont contraires à ce qu'ils suivent eux. Ils veulent que tout le monde soit mécréant comme eux. Et ils nous appellent au kuffar. Donc, le cheikh dit ensuite, وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكُفَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ أَيْمَانِكُمْ كَافِرِينَ يَوَدُّ الْكُفَّارُ وَالنَّصَارَى وَالْيَهُودُ لِلْمُسْلِمِينَ أَن يَرْتَدُّوا عَن دِينِهِمْ وَلِأَهْلِ الْبِدَعِ نَصِيبٌ كَبِيرٌ مِنْ هَذَا الْقَصْدِ السَّيِّئِ مِنْ إِرَادَةِ السُّوءِ لِأَهْلِ الْخَيْرِ ومن هنا يجب الحذر منهم غاية الحذر. الشيخ الذي الله سبحانه وتعالى الجدا سورة آل عمران verset 5. Oh vous qui avez cru, si vous obéissez à une partie parmi les gens du livre, ils vont vous faire revenir à la mécréance après que vous ayez cru. Si vous obéissez à une partie des gens du livre, les juifs et les chrétiens, ils vont vous faire revenir à la mécréance après que vous ayez cru. Et c'est ça qui arrive, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Ils ne veulent pas voir que des gens suivent l'islam. Les juifs, les chrétiens, les laïcs ou n'importe quel autre, ils veulent voir que les musulmans quittent l'islam, arrêtent de pratiquer la religion, s'éloignent de l'islam. Et on le voit clairement, ils interdisent une chose, puis après ils interdisent une autre chose, puis après ils interdisent une autre chose. Pourquoi ils ne viennent pas justement, clairement, directement pour nous dire on ne veut pas l'islam et on interdit l'islam, hein? Parce qu'ils veulent nous faire sortir de l'islam petit à petit, sans qu'on s'en aperçoive, hein? Sans que la majorité des musulmans s'en aperçoivent. Donc on se dit musulman avec la bouche, mais on n'est plus musulman dans la réalité. C'est ça ce qu'ils veulent. Donc, le cheikh il dit, les koufars, c'est-à-dire les non-croyants, les juifs, les chrétiens, ils veulent que les musulmans apostasie et quitte l'islam. Et les gens de Bid'a, les gens de l'innovation, ils ont une part de cette mauvaise intention-là aussi envers les gens du bien. Et donc c'est pour cette raison-là qu'il faut que les musulmans prennent garde et soient sur leur garde et qu'ils prennent des précautions justement vis-à-vis des gens de Bid'a. Parce que les gens de Bid'a sont plus dangereux que les kuffars. Les kuffars, c'est clair, on sait qu'ils ne sont pas musulmans, on les voit, ils disent, on est juifs, on est chrétiens, hein, on est laïcs, on ne croit pas en Dieu, etc., etc. Donc ceux-là, c'est clair, on a pas beaucoup de précautions à prendre sur ce plan-là, puisqu'on sait déjà, ils sont clairs, ils sont directs. Mais les gens de Bid'a, et les gens de l'égarement, hein, et les hypocrites, ils disent pas ouvertement, on est sur la bid'a, on appelle au kufr, on appelle au shirk, on appelle à l'égarement. Hein? Quand vous voyez des gens, par exemple, des soufis qui vous invitent, hein, que ce soit des Naqshbandiya, ou bien des Chisti, ou Shaviliya, ou Boutchichiya, ou n'importe quelle autre tariqa, hein, ils vous appellent, venez avec nous. Hein? Ils ne vous disent pas clairement, on appelle à l'égarement, on appelle à la bid'a, on appelle à toutes sortes de pratiques. De shirk et des croyances de shirk comme Wahdat al-Wujud, al-Hulul et d'autres, ils ne vont pas vous dire ça directement, mais ils vous appellent à ces choses-là. Hein? Donc ils ont une part de ce que les kuffars ont comme mauvaise intention envers les musulmans et envers la Ummah. Et souvent, justement, ils vont s'allier avec les kuffars contre les musulmans de Ahl al-Sunnah wal Jama'a pour faire du tort. وقد نبهنا الله في هذه الآية التي ذكرناها أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة يتقصدون فتنة الناس في دينهم والانحراف بهم عن دين الله الحق إلى ما هم فيه من البدع والضلال وما هم فيه من الشبهات والتخبطات والانحرافات وهم يريدون السوء لمن يثق فيهم ولمن يجالسهم ويخالطهم. Donc le cheikh il dit que Allah nous a informé, nous a averti dans ce verset. Il nous a mentionné que ceux qui ont une déviation dans leur cœur, ils suivent ce qui est équivoque, ce qui peut avoir plusieurs signification dans les versets du Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils veulent faire des troubles, ils veulent faire des problèmes dans la religion des gens, ils veulent dévier, faire dévier les gens dans leur religion, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils veulent amener les gens vers ce qu'ils sont en train de suivre comme égarement et comme innovation. Et ce qu'ils suivent également comme shubuhat, comme takhabbutat et comme inshirafat. Shubuhat, c'est quoi les shubuhat? C'est qu'est-ce qui est présenté aux gens comme étant quelque chose de vrai, qui est mélangé avec le faux. On fait paraître quelque chose comme si c'était la vérité alors que c'est un mensonge, mais on le camoufle, on le recouvre de quelque chose pour tromper les gens. C'est ça les shubuhat, quelque chose qui paraît être vrai en apparence mais qui est faux en réalité. Et al-inhirafat, c'est les déviations. Wahum yuridou l'assou, ils veulent du mal envers ceux qui leur font confiance. Donc les jeunes bid'a, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de gagner ta confiance en premier et de faire en sorte que tu t'assoies avec eux. Puis, une fois que tu t'es assis avec eux, par la suite, ils en profitent pour essayer de t'égarer. Walihada sarahum yaslukuna shatta al-masalik li saddi ahli al-haq. ولا سيما الشباب عن منهج الله الحق فلهم طرق قد برعوا فيها وأساليب قد مهروا فيها وربوا عليها شبابهم فتجدهم لا يعلم كيف يتوضأ ولكنه يجيد عرض الشبه والتشكيك والتشويه والتنفير من الحق وأهله وقد تجده يزيد هذه إجادة عظيمة والعياذ بالله ونسأل الله أن ينقذهم من هذه المسالك الشيطانية وأن ينقذهم من أسباب الهلاك. Le cheikh il dit c'est pour cette raison là que tu les vois, ces gens de déviation, ces gens d'égarement, ils utilisent toutes sortes de méthodes, toutes sortes de moyens, toutes sortes de voies pour obstruer la voie des gens de la vérité, et en particulier les jeunes. Ils ciblent en particulier les jeunes. Beaucoup de jeunes bid'a, vous les voyez, certains groupes en particulier, ils sont actifs dans les endroits où ils savent qu'il y a des jeunes, dans ces endroits-là, en particulier les universités, les campus, les trucs de ce genre. Ils font leur da'wa dans ces endroits-là, là où ils peuvent retrouver des jeunes. Et ils ont des méthodes justement pour faire sortir les gens de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont développé des talents pour faire dévier les gens et leur ramener des choubouhats, et leur mettre des doutes, dans leur compréhension, et pour faire fuir les gens de la vérité et les gens de la vérité. C'est étonnant à quel point ils arrivent à faire sortir ces choubouhats-là, Comme un des machefs expliquait, il disait, c'est devenu des manufactures à choubouhats, Ces gens-là, subhanallah, vous êtes étonnés. Comment? Le cheikh, il dit, ils savent même pas faire le wudu, mais ils savent comment faire lancer des shubuhat pour faire dévier les gens de leur manhaj. Parce qu'ils ont été éduqués à ça. C'est à ça que, ils ont été éduqués par ceux qui les ont, éduqués, dans leur voie d'égarement. Vous rencontrez un jeune, qui est sur la voie des gens de takfir, la voie des khawarij, subhanallah. Il ne sait même pas faire son wudu encore. Mais des shubuhat pour essayer de mettre des doutes dans l'esprit des gens pour les amener vers le takfir, subhanallah, vous dites, mais comment il a été yani, arrivé à ce point-là pour yani, égarer les gens dans le takfir, alors que c'est un individu qui est ignorant de la religion d'Allah, qui ne sait rien, hein, qui n'a pas étudié avec les ulama, qui est loin de la science, peut-être même qu'il ne connaît même pas encore la langue arabe, mais il sait comment lancer les choubouhats ou mettre des doutes dans l'esprit des gens pour les faire dévier. Hein? Donc l'exemple que le cheikh donne, c'est un exemple réel. Donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ce genre d'attitude-là et de ce genre de comportement-là et de ce genre d'individu-là. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les sauver de ces voies du shaitan et qu'il les sauve vers les voies, vers les voies du salut, qu'il les sauve de la perdition. الرسول صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية لما تلاها قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الإمام البخاري مسلم رابورتي كما الشيخ الذي ce hadith du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم qu'il a récité après avoir mentionné ce verset, le verset 7 dans sourate Ali Imran. Il a, après avoir mentionné ce verset, il a dit, si vous voyez les gens qui suivent ce qui peut être interprété de différentes manières dans le Coran, alors c'est ceux-là dont Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, alors prenez garde. Hein? Faites attention à ces gens-là. Prenez garde à ces gens-là. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari, Muslim et Abu Daoud. Hein? Donc c'est un hadith sahih. Donc, le cheikh dit, فهؤلاء أهل الأهواء وأهل الزيغ هم الذين يتتبعون المتشابهات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد أن أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه هم الذين يجب أن يحذرهم الناس. فمن علامة أهل البدع ومن علامة أهل الزيغ أنهم لا يسلكون مسالك أهل السنة في بناء دينهم على الآيات المحكمة ورد المتشابهات إلى المحكمات، وإنما يتعلقون فيما يوافق هواهم ويستطيعون أن يروجوا به دعواهم أو لدعواهم الفاسدة وبدعهم الضالة كما فعل الخوارج والروافض والمرجع والقدرية، فإنهم يتعلقون من النصوص المجملة والمتشابهة بما يوافق هواهم فيضلون ويضلون الناس. Le cheikh explique, il dit, ces gens-là, parmi les gens de la passion et les gens de la déviation, ce sont ceux qui suivent ce qui peut avoir plusieurs façons d'être comprises dans les textes de la révélation. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre en disant ça, ou en nous mettant en garde, hein, ici dans ce hadith, en fait, c'est de nous mettre en garde contre les gens de la déviation qui suivent ce qui peut avoir plusieurs significations dans la révélation, hein, de faire attention à ces gens-là. Parce que ça fait partie des signes des gens de bid'ah. Parmi les signes des gens de la déviation, c'est qu'ils ne suivent pas la voie d'Ahl-Sunnati wal-Jama'a pour établir leur religion sur des versets qui sont explicites et clairs. Hein? Ils ne suivent pas la voie d'Ahl-Sunnati wal-Jama'a du fait que les gens d'Ahl-Sunnati wal-Jama'a, quand ils trouvent un verset qui peut avoir plusieurs façons d'être interprété ou plusieurs compréhensions, ils prennent ces versets-là qui sont les mutashabihat, et il les ramène aux muhkamat pour les comprendre et pour les interpréter. C'est ça la différence. Les gens d'Ahl-Sunnah, quand ils trouvent des versets ou des hadiths qui ne sont pas clairs et qui peuvent être interprétés de différentes façons, ils ne se basent pas sur ces versets-là, puis ils laissent de côté qu'est-ce qui peut avoir plusieurs façons d'être interprété. Ils retournent aux versets qui sont muhkamat, qui sont clairs, et ils interprètent ces versets-là et ces hadiths selon qu'est-ce qui est clair. dans la révélation. Et donc, les gens de Bid'a, eux, c'est le contraire, ils se basent uniquement sur les mutashabihat, et ils s'accrochent à ça. Et ils prennent, dans ces versets-là, un moyen pour essayer de suivre leur passion, et pour interpréter la révélation d'une manière qui va justifier ce qu'ils suivent, et qui est en accord avec leurs désirs. Et donc, c'est comme ça qu'ils arrivent à faire leur da'wah, et à propager leurs faussetés, et leurs mensonges, et leurs égarements, et leurs innovations, et ainsi de suite. Comme les gens de Bid'a l'ont fait parmi les groupes d'égarements et les sectes, comme les Khawarij, les Rawafid, les Murji'a, les Qadariya, hein, et les différentes sectes, ils se sont toujours accrochés à des textes qui peuvent prêter à différentes formes d'interprétation ou différentes compréhensions. Et qu'est-ce qui peut prêter à plusieurs sens différents qui sont en accord avec leur passion. Et ils laissent de côté qu'est-ce qui est clair, et donc ils s'égarent eux-mêmes et ils égarent les gens avec eux. وعلى هذه الشاكلة أهل البدع في كل زمان ومكان مهما كان نوع بدعتهم ولا تحقرن شيئا من البدع ولا تستسخرن شيئا منها فإن هذه مسالكهم يفتن ويزيغ ويريد أن يفتن الناس ويزيغون مثل زيغه وينحرفون مثل انحرافه ويفتنون مثل فتنته والعياذ بالله. فأنت ترى الآية بينت حالهم بينت حالهم والرسول صلى الله عليه وسلم بين حالهم وحذر منهم. وإذا كان قد أمر بهجران الصحابة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك حتى بعد توبتهم وهم لم يركضوا هذه بهذه فتنة ولم يتحركوا بها بل تابوا وندموا واعترفوا ومع ذلك لما وقعوا فيه من وذلك لما وقعوا فيه من المخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم متهمون في هذه الحال وقد يكونون متهمين بالنفاق. لشيخ الزي Donc ça c'est la voie des gens de Bid'a à toutes les époques, et à tous les, dans tous les lieux et à toutes les époques. Toujours la même méthode, toujours la même chose. Toujours les mêmes méthodes et les mêmes attitudes. Peu importe la catégorie et le genre d'innovation qu'ils suivent, c'est toujours la même chose. Le même comportement, les mêmes manières, les mêmes ruses, les mêmes attitudes. Et le chef il dit, faites attention, ne dénigrez pas aucune forme de... Dans le sens, yani ne prenez pas à la légère aucune parmi les innovations, aucune parmi les bid'as. Hein? Ne la considérez pas comme étant petite. Hein? Certains pourraient dire, ah ça c'est une bid'as, c'est une petite bid'as, c'est pas grave. Hein? On la connaît, on n'a pas peur, ou bien c'est pas grave, il n'y a pas de danger. Le cheikh dit non, ne faites pas l'erreur de considérer ou de dénigrer certaines parmi les bid'as en disant qu'elles sont petites ou des choses de ce genre. Parce que c'est ainsi que les gens de Bid'a procèdent justement. Ils commencent par des petites Bid'a et puis après ces Bid'a elles vont se développer puis devenir plus grandes. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que les gens, comme on l'a dit tout à l'heure, ils veulent que les gens soient dans la fitna eux aussi et qu'ils s'égarent eux aussi avec eux. Et ils veulent que les gens dévient comme ils ont dévié et qu'ils tombent dans la fitna comme ils sont tombés eux-mêmes dans la fitna que Allah nous en préserve. Donc tu vois que le verset 7 dans Surat Al-Imran clarifie leur situation et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par la suite clarifie leur situation et met en garde contre eux. وإذا كان قد أمر بهجران الصحابة الذين تخلفوا عن donc le cheikh il explique ensuite il dit et si on regarde l'exemple des sahaba à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez probablement tous l'exemple de la bataille de Badr, la bataille de Tabouk. Hein? Vous connaissez sûrement ce qui est arrivé dans la bataille de Tabouk. Lorsqu'il y a eu un groupe qui sont restés derrière, qui ne sont pas partis au combat avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ils sont revenus, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les sahaba sont revenus, eh bien ils sont venus s'excuser au prophète. en disant, bon, ils ont essayé de chercher des excuses pour justifier le fait qu'ils étaient restés derrière, le fait qu'ils n'étaient pas partis avec eux. Donc ils ont tous cherché un moyen de s'excuser au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y en a trois parmi eux qui étaient restés derrière, qui n'ont pas agi de cette manière-là. C'est-à-dire, eux, ils n'ont pas essayé de s'excuser. Ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont dit la vérité. Ils ont dit, nous, on n'avait pas d'excuse. On n'est pas parti au combat, on n'est pas allé à la bataille avec vous, malgré qu'on était prêts. On avait tout ce qu'il fallait. On avait une monture, on avait de l'argent, on était en forme, on avait tout ce qu'il fallait, mais on est resté derrière et on cherche pas à s'excuser pour que tu nous excuses, mais on veut le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ils n'étaient pas satisfaits juste, de venir s'excuser puis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dise, oui, ok, c'est correct, allez-y, Non, eux, ils voulaient se repentir sincèrement. Et donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même après leur repentance, même après qu'ils aient avoué leur erreur et qu'ils se soient repentis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné de les boycotter, de ne plus leur adresser la parole, de ne plus leur donner le salam, de ne plus leur parler, de ne plus les fréquenter, rien. Aucun contact, aucune parole. Pendant 40 jours comme ça. Et ils n'avaient pas fait de bida, ils n'avaient pas fait de choses de ce genre, mais c'était un moyen pour faire en sorte que on soit certain que c'était sincère leur repentance. Et comme le cheikh il le dit ici, parce qu'ils avaient reconnu leur tort, ils s'étaient repentis, ils avaient des remords, et ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont expliqué ce qu'ils avaient fait comme contradiction avec le commandement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais étant donné qu'ils étaient dans une position ou dans une situation ou un état dans lequel ils étaient accusés d'hypocrisie, puisqu'ils étaient restés derrière, alors il fallait agir de cette manière-là, les mettre de côté pendant une certaine période de temps. فإحسان الظن بأهل الانحرافات وأهل البدع والضلالات مخالف لمنهج الله تبارك وتعالى، فلا بد من الحذر منهم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم من يتبع المتشابه فأولئك الذين لعن الله فاحذروهم. Le chef il dit donc d'avoir des bonnes pensées, de donner le bénéfice du doute, comme on dit, aux personnes qui ont des déviations dans leur religion, qui ont des innovations, des bédards, des égarements, des contradictions, par rapport au manhaj d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il est nécessaire de faire attention et de prendre nos précautions vis-à-vis de ces gens-là. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous voyez les gens qui suivent al-mutashabih, qu'est-ce qui peut avoir plusieurs significations, alors ceux-là sont ceux que Allah a maudit, alors prenez garde à leur sujet. Et donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le fait de dire, par exemple, comme on dit, des fois, par exemple, on entend des frères qui disent, ah, il faut avoir husnul dhan. Il faut avoir husnul dhan envers nos frères, envers les musulmans, etc., etc. Donc, husnul dhan, en général, les gens, ils utilisent ça souvent maintenant, mais ils réalisent pas que dans certaines situations, comme par rapport aux gens de bid'ah, aux gens de déviation, aux gens de l'égarement, on n'applique pas cette idée-là de dire, il faut penser du bien de notre frère, etc. Parce qu'on sait déjà que c'est quelqu'un qui est sur l'innovation, c'est quelqu'un qui est sur l'égarement. On donne le bénéfice du doute à qui? On donne le bénéfice du doute à quelqu'un qui est clair sur sa voie, qui suit la sunna, qui suit le Coran, qui est connu comme étant une personne qui défend la vérité, qui est connu pour sa sincérité, qui est connu pour son amour pour la vérité, pour le Coran, pour la sunna, pour la compréhension correcte de l'islam, la défense de la voie des salaf al-salih. Envers eux, on peut avoir le bénéfice du doute, si on entend de leur part une parole ou quelque chose qui est yani, louche ou qui n'est pas clair, on dit bon, probablement qu'il s'est trompé, probablement qu'il a fait une erreur, D'accord? Donc on va lui donner le bénéfice du doute. Puis on va aller voir cet individu-là, puis on va lui mentionner cette erreur-là. On va lui dire, écoute, tu as dit telle ou telle parole, tu sais, ça c'est pas clair. Cette parole-là que tu as dit, ça peut prêter à confusion. Ça pourrait faire tomber les gens dans l'erreur. Ils pourraient comprendre quelque chose incorrectement par rapport à ce que tu as dit. Et on sait que tu es une personne qui est sur le Coran, qui est sur la Sunna, qui suit la compréhension des salaf al-salih. Donc on voudrait savoir, ou on voudrait savoir qu'est-ce que tu dis réellement sur cette question-là et que tu clarifies la chose, que la chose soit clarifiée, qu'on puisse savoir réellement où tu tiens par rapport à cette chose-là, parce que c'est ambigu, c'est pas clair. Et là, la personne, elle va clarifier sa position et elle va expliquer. Et là, si elle dit la vérité et elle explique la vérité, qu'est-ce qu'il y a en accord avec la Sunna, alhamdoulilah. Mais si elle montre autre chose ou elle défend le contraire de la vérité, donc là, on aura une preuve que la personne, elle persiste à faire un égarement ou à suivre l'égarement. Mais c'est pour dire que ça, c'est l'attitude envers les gens qui sont sur la Sunna et qui sont sur la vérité et qu'on connaît comme étant des gens qui aiment suivre la vérité. Mais en ce qui concerne des gens qui sont connus pour leur égarement, qui sont connus pour leur bédard, qui sont connus pour, comme étant des gens qui défendent des groupes et des partis, ou des idéologies, ou des croyances, ou des pratiques qui sont contraires à la Sunna, et que c'est pas quelque chose qu'ils font de temps en temps, comme si qu'ils viennent de commencer à faire, c'est quelque chose qu'ils font régulièrement, puis c'est connu de leur part qu'ils sont comme ça, eh bien, il n'y a pas de bénéfice du doute dans ce cas-là. Au contraire, il y a uniquement le fait de se mettre sur nos gardes vis-à-vis des paroles de ces individus-là et de s'éloigner d'eux et de ne pas justement leur ouvrir notre cœur et leur ouvrir nos oreilles justement pour se préserver soi-même, pour préserver notre compréhension, notre aqida, notre manhaj, pour éviter justement que ces gens-là nous jettent des choubouhats qui pourraient nous mettre des doutes dans notre compréhension de la religion musulmane. Donc le cheikh il dit ensuite وما قال ما قال يعني أحسن الظن بهم أو أحسن بهم الظن كما يقول الآن كثير من أهل الأهواء أنتم تتكلمون عن النوايا أنتم تتكلمون عن المقاصد يا أخي إذا رأينا عنك أو عندك شبه وضلالات أنت متهم الله حذرنا منك ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا منك كيف لا نحذر منك وكيف نحسن الظن أو كيف نحسن بك الظن وقد نبهنا الله تبارك وتعالى إلى سوء قصدك وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منك دونك لشيخ الذي فالرسول صلى الله عليه وسلم لماذا ما أحسن الظن بهؤلاء وهم صحابة وبعضهم بدريون وتخلفوا لعذر من الأعذار وبينوا وهو لسبب من الأسباب ما نقول عذر من الأعذار بينوا الحقيقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي فقال أما هؤلاء فقد صدقوا ولكن نكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى حتى يقضي الله فيهم ما أراد سبحانه وتعالى لشيخ الزيك. Donc quand ces trois-là sont venus voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils ont dit, yani, ils ont dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on n'avait pas d'excuses, on n'est pas parti et on veut que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit bon, on leur donne le bénéfice du doute, on va les laisser et puis ils ont... il les a laissés comme si rien n'était. Non. Il n'a pas dit on va leur laisser le bénéfice du doute. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve de la part des jeunes bid'ah. Il dit non, il faut leur donner le bénéfice du doute. À propos des gens d'innovation qui sont présents aujourd'hui. Et des gens qui appellent à l'égarement et à la déviation. Il dit non, il faut leur donner le bénéfice du doute. Il ne faut pas penser mal d'eux. Et ils disent, vous rentrez dans les intentions des gens, vous rentrez dans leur cœur, vous essayez de dire que, quand vous parlez de leurs intentions. Et le cheikh, il répond, il dit non, c'est pas qu'on rentre dans vos intentions, dans vos cœurs, parce qu'on peut pas voir qu'est-ce qui est dedans. Mais on voit vos paroles, on entend vos paroles et on voit vos actions. Hein? C'est là-dessus qu'on se base. Et donc, il dit, du moment qu'on voit, hein, quand on vous regarde et quand on vous écoute, on voit des choubouhats, on voit des égarements. Alors vous êtes accusé. À partir de ce moment-là, vous êtes des gens, hein, qui vous êtes pas, yani innocents. Vous êtes accusé à partir de ce moment-là. Et donc, Allah nous a mis en garde contre vous. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre vous. Alors, comment est-ce qu'on pourrait rester sans mettre en garde contre vous? Et comment on pourrait avoir une bonne pensée envers vous ou de vous donner le bénéfice du doute? Alors que Allah nous a averti à votre sujet et nous a mentionné votre mauvaise intention. Hein? Alors, il faut dans ce cas-là qu'on fasse attention nous aussi. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il n'a pas eu le bénéfice du doute? Il n'a pas dit on va leur donner le bénéfice du doute et on va leur faire confiance, hein, alors que ce sont des sahaba. Et certains d'entre eux même sont des gens qui ont participé à la bataille de Badr. Hein? Je pense que c'est Sa'd ibn Malik, ou Malik ibn Sa'd, si je me rappelle bien de son nom, il y a les Malik ibn Sa'd. Subhanallah, il fait partie des gens qui ont participé à la bataille de Badr. Il a mentionné même dans, au début du hadith, c'est un long hadith, hein, vous pouvez le trouver dans, Riyad al-Salihin, ce hadith-là, l'histoire des trois qui sont restés derrière, hein, dans le chapitre de Al-Sidq, la véracité. Hein, et ben, il a dit, j'ai jamais manqué aucune des batailles avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était là tout le temps. Donc c'est pour dire, c'était parmi eux, il y en avait des sahaba qui ont même participé à Badr. Et ils sont restés derrière à cause de quelque chose, une raison quelconque. Ils ont expliqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam la réalité, pourquoi ils ne sont pas partis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en ce qui concerne ceux-là, ces trois-là, ils ont été véridiques. Amma ha'oula faqad sadaqu. Eux, ils ont été sincères, ils ont dit la vérité. Et ça nous montre un des comportements de l'islam, c'est-à-dire le comportement de la sincérité. Même si, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, d'être des témoins, hein, كُنُوا قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ. Et dans un autre verset, il dit, وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. Même si c'est contre vous-même, vous allez porter un témoignage et que ça va vous porter, hein, et ça va vous porter, yani quelque chose, ça va vous amener quelque chose de mal, du fait que vous allez témoigner, et que c'est, ça va être contre vous, c'est pas grave. Vous témoignez de la vérité. Et vous dites la vérité, même si c'est contre vous-même. Et ça, c'est d'être véridique en toutes circonstances. Que ce soit pour toi, en ta faveur, ou contre toi. Hein. Ça, c'est ce que l'islam nous ordonne. Nous ordonne d'être véridique et de dire la vérité, même quand c'est contre nous-mêmes. Même quand c'est contre notre mère ou notre père, ou quand c'est contre un de nos proches, hein. Donc ça c'est à quel point on doit être véridique. Dire la vérité, même quand c'est contre nous-mêmes, et en particulier quand c'est la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dire la vérité au sujet de la parole d'Allah, la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de l'islam et de la sharia, de dire la vérité là-dessus. Ne pas la cacher. Ne pas la déformer, puis ensuite de dire la vérité dans les affaires de la dunya entre nous aussi, par la suite. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceux-là, ils ont été véridiques. Walakin amruhum ila Allah. On va laisser leur sort à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui va juger à leur sujet. C'est Allah qui va décider. Hatta yaqdi Allah fihim ma arad. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala décrète à leur sujet ce qu'il a voulu. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجرانهم إلى 40 يوما وبعد 40 يوما ما يرسل لهم وبعد 40 يوما يرسل لهم الرسل فأن يعتزلوا نساءهم وهجرهم المجتمع برمته ما كان يكلمهم أحد أبدا بقي معهم زوجاتهم يعطفن عليهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتزال نسائهم أمر الله الرحيم الرؤوف رسوله الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام يعامل هؤلاء مثل هذه المعاملة شيخ الزيدان le prophète صلى الله عليه وسلم a ordonné de couper les liens de cesser de parler de cesser de fréquenter ces trois individus là les autres qui étaient venus s'excuser qui étaient venus dire on avait une excuse on voulait sortir mais on avait un problème on avait une excuse on est resté derrière ils les ont laissés partir sans problème ceux qui sont venus ils ont dit on n'avait pas d'excuse on devait y aller on n'avait pas d'excuse on a fait une erreur on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala ceux-là pendant 40 jours ils leur donnent aux gens de plus leur parler de plus les fréquenter de plus leur adresser la parole même pas le salam et même après 40 jours il a ordonné que même leurs épouses arrêtent de leur parler, de ne plus avoir aucun contact même avec leurs propres épouses. Et donc ça c'est pour dire que toute la société en entier a cessé de leur adresser la parole et de les fréquenter. Personne ne leur parlait, personne. Et même leurs épouses qui au début les réconfortaient, puis leur donnaient peut-être des encouragements ou des choses de ce genre, eh bien même elles, par la suite, elles ont été ordonnées de se séparer de ces sahabas-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala qui est le miséricordieux et l'indulgent, le compatisant, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est également indulgent et miséricordieux, alayhi salatu wa salam, il a ordonné qu'on agisse de cette manière-là envers eux. On voit le comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné envers ses compagnons-là. فالحذر من أهل البدع وبغضهم وهجرانهم ومقاطعتهم هو السبيل الصحيح لحماية الأصحاء من أهل السنة من الوقوع في فتنتهم والتساهل معهم وحسن الظن بهم والركون إليهم هو بداية في طريق الضلال والانحراف ولا تتركوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ومن أظلم من أهل البدع أهل البدع شر من الفساق وأهل المعاصي ولهذا يقول فيه يقول فقيه البصرة وعاقلهم سلام ابن أبي مطيع لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلي أن ألقاه بصحيفة عمرو بن عبيد. Donc le chef il dit si c'était ça l'attitude envers trois parmi les sahabas qui ont été sincères et qui se sont repentis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a agi comme ça envers eux, alors de mettre en garde et de se préserver contre les gens de Bédak et de faire attention à leur bida et à eux-mêmes, et de les détester, et de s'éloigner d'eux, et de couper le lien avec eux, c'est la voie correcte pour se protéger, pour protéger les musulmans qui sont en bonne santé dans leur aqida et dans leur foi, parmi les gens de Ahl Sunnah, pour éviter qu'ils tombent dans les troubles et les tentations et les déviations des gens de l'égarement. Parce que le fait qu'on prend les égarements des gens de bida à la légère, puis qu'on commence à leur donner le bénéfice du doute, ça fait en sorte que par la suite, on commence à pencher vers eux et on rentre dans la voie de l'égarement. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 113 dans Sourate Hud, ne penchez pas vers ceux qui sont dans l'injustice parce que sinon le feu va vous toucher. Et qui est plus injuste que les gens de l'innovation? Qui est plus injuste que les gens de Bida? Les gens de Bida sont plus graves, sont plus dangereux, sont plus égarés que les gens du péché, que les gens qui commettent des péchés. Les gens qui font des Bida sont plus graves et plus dangereux que les gens qui font des choses haram, comme par exemple les grands péchés qu'on connaît. Parce que on le sait comme des salafs l'ont expliqué et comme des ulama l'ont expliqué, le shaitan il se réjouit plus de quelqu'un qui fait une bid'a que de quelqu'un qui fait un péché. Parce que quelqu'un qui commet un péché, il peut s'en repentir. Il peut s'en repentir parce qu'il sait que c'est haram ce qu'il fait. Tandis que celui qui fait une bid'a, il ne s'en repent pas parce qu'il croit que ce qu'il fait, ça le rapproche d'Allah et que ça le fait devenir quelqu'un de meilleur dans sa religion. Donc comment quelqu'un va se repentir de quelque chose alors qu'il pense que c'est quelque chose qui le rapproche d'Allah? Tandis que le péché, il n'y a personne qui fait le péché et qui pense que ça le rapproche à Allah. Il n'y a personne qui boit de l'alcool et qui pense qu'en buvant de l'alcool, il se rapproche d'Allah. Ou qu'en faisant le zina, il se rapproche d'Allah. Ou qu'en mentant ou en volant, il se rapproche d'Allah. Tout le monde sait que quand il fait ça, il s'éloigne d'Allah. Tout le monde qui fait ces péchés, il sait qu'en faisant ça, il récolte la colère d'Allah et qu'il doit se repentir de ces péchés-là. Tout le monde sait ça. Tandis que la personne qui fait des innovations et des bidats, hein, elle s'assoit dans la mosquée, elle commence à chanter, elle commence à tourner en rond, à sauter sur place, à dire Allah, Allah, Allah, Allah pendant 2-3 heures, elle pense qu'elle est en train de se rapprocher d'Allah. Alors qu'elle est en train d'accumuler la malédiction et la colère d'Allah sur lui-même. Est-ce qu'elle va se repentir de ça? Alors qu'elle pense que c'est un bien? Et c'est pour ça que la bid'a est plus dangereuse que le péché. Et donc c'est pour ça que le cheikh il dit, les gens de bid'a sont plus mauvais, plus dangereux que les gens du péché. Et c'est pour ça que un parmi les grands savants de Basra, parmi les salafs, Salam ibn Abi Mutir, qu'est-ce qu'il disait? Je préfère rencontrer Allah avec les feuilles ou les livres, le livre de Al-Hajjaj, c'est-à-dire le livre des anges qui écrivent nos actions. Je préférerais rencontrer Allah avec le livre des actions de Al-Hajjaj que de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec le livre des actions de Amr ibn Ubayd. Hein? Et Al-Hajjaj c'était qui? C'était un parmi les dirigeants à l'époque qui était un dirigeant injuste, qui tuait, qui faisait beaucoup de mal, il faisait tuer beaucoup de gens, et il est connu pour sa dureté et sa cruauté. Hein? Tandis que Amr ibn Ubayd c'était un adorateur, un homme pieux, mais qui était sur la voie des Mu'tazila, qui niait le Qadar, hein, et qui avait beaucoup d'autres innovations graves. Et donc il dit, moi je préfère avoir le livre de Al-Hajjaj que d'avoir le livre de Amr ibn Ubayd. Pourquoi? Parce que le livre de Amr ibn Ubayd c'est un livre de bid'a. Et le livre de Al-Hajjaj c'est un livre de haram, de péché, mais en même temps, hein, il sait que c'est des péchés seulement et qu'il peut s'en repentir. Donc ça c'est l'exemple qu'on a mentionné. Donc on va s'arrêter ici inshallah pour maintenant, pour l'instant. On continuera inshallah cette lecture de ce livre ensemble inshallah dans les autres conférences qui vont suivre inshallah. Donc c'est juste pour comprendre en fait et faire un résumé, ou bien disons pas un résumé mais pour conclure, hein, de prendre en garde, de prendre nos gardes, de faire attention aux gens de l'innovation, parce que la plupart des musulmans de notre époque, hein, on n'a pas été éduqués d'une éducation salafia. On a été éduqué d'une éducation d'ignorance, influencé de toutes sortes de tendances, de Ikhwan, de Tasawwuf, d'autres tendances également, des influences qu'on ignore même que ce sont des influences de ces groupes-là ou de ces sectes-là. Hein? Et on nous a jamais mis en garde contre la bid'a ou contre les gens de bid'a. À part les salafis, à part les gens qui suivent la voie des salaf al-salih, qui suivent le Coran et la Sunna, personne ne va vous mettre en garde contre ça. Hein? Et donc c'est juste un rappel pour ça, justement pour faire comprendre que ça c'est quelque chose de très important. Et même si ça peut sembler étrange pour certains qui ne sont pas familiers avec le manhaj des salaf, lorsqu'ils entendent ce discours pour la première fois, ça peut être étrange pour eux parce qu'ils disent « mais on n'a jamais entendu parler de ces choses-là ». Mais en réalité, c'est il faut qu'ils comprennent que justement, les gens de bid'a font tout ce qui est en leur possible pour faire en sorte que vous n'entendez jamais parler de ce manhaj et que vous ne connaissez rien à propos de ces choses-là, qui sont claires et connues dans l'islam depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on s'arrête ici, inshallah, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.